franceinter.fr. Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire de la privatisation de TF1 en 1987. La télé est un sujet sensible par excellence, source de pouvoir et de fantasmes, de critiques et d'euphorie, aujourd'hui comme hier. Tiens, lancez une conversation sur le sujet, en famille ou avec des amis, et vous les verrez se passionner comme si le sort du monde, voire leur vie, en dépendait. Voyez aussi les polémiques suscitées par les déprogrammations, les changements de grille ou de présentateurs. Voyez enfin tout ce qui tuerait père et mère pour apparaître à la télé comme si c'était rater sa vie que de ne pas passer sur le petit écran, qu'on soit professionnel des médias ou non. Mais là n'est pas l'essentiel, il y a plus préoccupant. En 60 ans, la télé est devenue un objet de notre quotidien, un bien public dans l'audiovisuel du même nom, et sur l'autre rive, un bien privé, une entreprise dont le chiffre d'affaires est lié à la publicité, au nombre d'abonnés, à la part d'audience et aux parts de marché. Ainsi est faite la loi de la télé privée, celle qui a vu le jour pendant les années 80 sous François Mitterrand et Jacques Chirac, quand le secteur télévisuel fut offert aux investisseurs. Et l'un des principaux tournants dans cette histoire fut la privatisation de TF1, première chaîne du service public mise en vente un jour de mai 86 par le gouvernement de Jacques Chirac. Cette bataille fut longue, médiatique, inattendue et secrète entre un roi du béton, Francis Bouygues, et un géant de l'édition, Jean-Luc Lagardère. Chacun a promis la lune pour avoir la une, l'un d'eux l'a remportée. Les résonances avec aujourd'hui, là encore, sont fortes. Il suffit de tourner notre regard vers iTélé, par exemple, dont les salariés en sont à leur quatrième semaine de grève, contre les conséquences, précisément, de leur appartenance à un groupe capitalistique privé qui ne sauvegarde pas les valeurs professionnelles d'un média et son indépendance. Pour en parler après le récit, nous avons invité aujourd'hui Laurent Mauduit, journaliste, l'un des fondateurs de Mediapart et auteur du livre sur le sujet, intitulé « Main basse sur l'information ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Muriel Pérez, qui fait la programmation musicale, je vais y arriver, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui, Guillaume Roux. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Bonjour. Mai 1986, rue Cognac-G. Ici, au 15 de cette rue sans âme, bat le cœur de la télévision française. Depuis près de 40 ans, c'est le même ballet qui recommence tous les matins. Des voitures chargées de journalistes et de techniciens se serrent entre des caisses, des caméras, de micros et de bobines de films. Des entrées et sorties, jour et nuit, des petites mains et artistes de la technique, reines et rois des directs, duplex ou divertissement. Et parfois on aperçoit le visage connu de présentateurs, de vedettes de la chanson ou du cinéma, ou bien de personnalités politiques. Entre ces murs, un jour d'été 1949, fut diffusé le premier journal télévisé français sous la houlette de Pierre Sabag. Chaque jour, muni seulement de trois caméras 16 mm, lui et ses acolytes inventent le journal télévisé français. Ensemble, ils bricolent, développent, montent à la hâte, ciseaux et colle à la main, et enregistrent enfin la voix off au dernier étage. La télévision est alors une affaire d'amateurs, journalistes débutants, imaginatifs et innovants. Durant ces années, la télé est un luxe. Alors si vous n'avez ni les moyens ni d'amis fortunés, eh bien c'est devant les vitrines de grands magasins que vous pouvez suivre ces balbutiements chaotiques et les premiers événements historiques et télévisuels. Mais au fil du temps, la télévision se modernise et devient un spectacle pour tous. Enfants ou parents, désormais, on scrute les dernières pages de la presse pour consulter les programmes télé. Les enfants de cette génération gardent en mémoire les génériques d'émissions cultes comme des marqueurs puissants de cette époque. Ce sont nos madeleines cathodiques. Thank you. C'était le temps de tirer la France, 5 colonnes à la une, les dossiers, l'écran, Interville ou la séquence du spectateur. Durant cette décennie, la télévision entre dans le salon des Français et tente de s'échapper de ceux de l'Élysée. Eh oui, comme tout média, la télé est une source de pouvoir. Alors, mandat après mandat, chaque président de la Ve République entame sa révolution télévisuelle. Sous De Gaulle, en 1964, on crée l'ORTF, l'Office de Radiodiffusion Télévision Française, qui a pour but de moderniser le service public télévisuel et radiophonique et, je cite, « de satisfaire les besoins d'information, de culture, d'éducation et de distraction du public ». Ça fait rêver. À l'arrivée de Georges Pompidou, le corset du contrôle étatique sur les rédactions se desserre un peu. Mais c'est Valéry Giscard d'Estaing qui retourne la table. En 1974, il dissout l'ORTF en 7 sociétés, dont 3 chaînes de télé, Antenne 2, FR3 et la première de toutes, TF1. Le 6 janvier 1975, en prime time, les téléspectateurs découvrent le tout nouveau générique de la chaîne. Ce soir-là, Georges Decaune, le père d'Antoine, enfile l'habit du maître de cérémonie. Pendant toute la soirée, lui, l'ancien présentateur du journal, expose aux téléspectateurs les nouveaux rendez-vous de la chaîne. Sur le banc, on reconnaît les stars du petit écran. Daniel Gilbert, qui présentera midi première. Michel Drucker, qui se chargera des après-midi. Ou encore Jacques Martin, cigarette à la main, qui annonce la naissance du petit rapporteur. Un journal hebdomadaire qui, selon sa formule, fusillera chaque dimanche l'actualité de façon inédite. Déconner l'actualité, comme le dirait aujourd'hui Charline sur France Inter. Bref, des émissions à succès qui font les belles heures de la première chaîne publique. 6 ans plus tard, le 10 mai 1981, Valéry Giscard d'Estaing est remercié par les Français. François Mitterrand lui succède. Et comme pour chaque nouveau locataire de l'Élysée, la télévision est un dossier dont il veut s'occuper, personnellement. Le changement commence par un changement de tête. Les stars et les présentateurs, soutiens affichés du candidat déchu, sont éconduits. La France de gauche avait demandé la tête d'El Kabbach, elle l'a eue. Avant que le même El Kabbach, d'ailleurs, ne devienne le journaliste testamentaire de François Mitterrand, l'histoire est parfois facétieuse. Et d'ailleurs, en 1984, 3 ans plus tard seulement, c'est le même François Mitterrand qui dérégule le secteur télévisuel. Il lance la première chaîne à péage, Canal+, confiée à son ami André Rousselet. Et puis, en 1986, 2 nouvelles chaînes voient le jour. La 5, sous la houlette de Silvio Berlusconi, et TV6, dirigée par le patron de Publicis, Maurice Lévy. Les loups sont entrés dans la bergerie. Quelques semaines après l'ouverture de ces 2 canaux privés, la gauche perd les élections législatives. Jacques Chirac fait son retour à Matignon. Si le président poursuit ses grands travaux architecturaux, le Premier ministre, lui, rouvre le chantier de l'audiovisuel. Le 14 mai 1986, au micro de l'Assemblée nationale, François Léotard, son ministre de la Culture et de la Communication, présente sa réforme de l'audiovisuel. Et il annonce une mesure choc, la privatisation de TF1. La privatisation est en effet un élément essentiel si l'on veut éloigner l'État de l'information, réduire l'importance du secteur public et favoriser sans trop tarder l'existence d'un secteur privé de qualité, c'est-à-dire de création. TF1 sera privatisé, l'importance de son audience lui permettra de faire face à la concurrence, tout en supportant un niveau d'obligation de contribution à la création au moins égal au niveau actuel. Ce 14 mai, le 15, rue Cognac G est à vendre. Alors, qui décrochera la timbale et à quel prix ? En 1986, TF1, c'est l'histoire d'un renouveau. Hervé Bourges, journaliste, ancien président de RFI, positionné à gauche, prend les rênes de la première chaîne. Sa mission, rénover l'image de TF1 et remonter les audiences. Pour cela, le président Bourges s'entoure d'une nouvelle équipe et fait confiance à des présentateurs atypiques comme le jeune Patrick Sébastien. C'est lui qui lance, jeune artiste du music-hall à la tête de soirées de divertissement. Le présentateur met sur orbite un nouveau style de show. Il joue la comédie, imite, chante et invite parfois des politiques. Pour ceux qui n'acceptent pas de laisser leur costume au vestiaire, l'émission 7 sur 7, désormais orchestrée par la journaliste Anne Sinclair, est le plateau où il faut être invité, the place to be. Et ce ne sont que des émissions parmi d'autres, mais toutes leaders sur leur tranche. On pourrait également citer Avis de Recherche de Patrick Sabatier, Droit de Réponse, de Michel Pollack, ou bien encore le trésor de l'immense Yves Mourouzi, surdoué, transgressif, et de Marie Laure Augry, qui l'accompagne. À ce moment-là, personne n'imagine que TF1 puisse être vendu. Certes, tout au long de la campagne, Jacques Chirac et les siens ont annoncé leur volonté de privatiser une ou deux chaînes. Tous pensent alors que le choix se fera entre Antenne 2 et FR 3. Surtout Antenne 2. Et pourtant, c'est la Une et ses succès qui sont mis en vente par le gouvernement. Dans les rangs de l'opposition, les réactions sont vives. Le député socialiste Jacques Lang, ancien locataire des bureaux de la rue de Valois, est le plus virulent. Il parle de TF1 comme d'un symbole, d'un bien commun. Pour lui, la première chaîne n'appartient ni à un gouvernement, ni à des partis, ni à des groupes privés, mais à tous les Français. Le soir même, François Léotard se rend dans les locaux de Cognac G pour répondre aux questions du 20h de la première chaîne. Pendant de longues minutes, le ministre explique les contours de sa future loi relative à la liberté de communication et il relativise surtout le choc de l'annonce de la privatisation de TF1. TF1 représente aujourd'hui 7% du secteur de l'audiovisuel public, 7%. 1500 personnes qui ne sont en aucune manière menacées sur 18 000. Il faut donner ces chiffres-là aussi. Donc il faut ramener tout ça à un peu plus de sérénité. Pourquoi cette loi? Excusez-moi de vous le dire, il y a une majorité, elle légifère, il y a un gouvernement, il gouverne. Et je suis étonné qu'on s'étonne. Ça figure dans les propositions de l'ancienne opposition depuis des mois. Nous avons reçu tous les présidents, tous les directeurs, tous les journalistes qui le souhaitaient. Aujourd'hui, je reçois tous les réalisateurs qui le souhaitent. Beaucoup d'entre eux, une majorité probablement, n'ont pas les mêmes opinions politiques que moi. Je les écoute et je recevrai, j'ai vu qu'on le souhaite, tous les syndicats qui le demanderont. François Léotard poursuit son raisonnement. Il pointe du doigt la chute de la production de programmes français et le déferlement de séries américaines. Pour lui, la télévision doit se réinventer. D'un point de vue pratique, le ministre explique les étapes de la privatisation. La procédure sera à la charge d'une nouvelle instance, la CNCL, Commission Nationale de la Communication et des Libertés. Comme ses prédécesseurs, les nouveaux locataires du pouvoir promettent l'indépendance et la transparence dans ce processus. Les possibles acheteurs devront répondre à un appel d'offres précis dont l'un des axes déterminants sera les ambitions culturelles. François Léotard parle même d'un principe le mieux disant culturel. Quelques jours plus tard, il est interrogé sur ce même sujet sur le plateau L'Heure de Vérité par François Giraud. Quand vous parlez du mieux disant culturel, c'est une très jolie formule, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous permettez que je fasse un peu de mime? Comme dirait mon ami Philippe de Villiers, je suis en situation de spectacle vivant. Je suis la commission. J'ai devant moi des gens qui veulent acquérir cette chaîne, qui sont des investisseurs. Sur quoi je me détermine? Je ne me détermine pas sur le prix, je me détermine sur ce que chacun est capable de proposer en termes de programme, et notamment de création française. Et tout simplement, la personne qui viendra devant moi et qui me dira « Monsieur la commission, ou Madame la commission, je mets 350 heures de programme français, mon voisin en met 250, eh bien, c'est moi qui aurai l'attribution. » Et ça, je peux vous dire que cette compétition-là, au plan culturel, elle est la seule de nature à remporter le morceau. Mais comme la seule chose importante, ce n'est pas les promesses qu'on fait, c'est les sanctions cas de non-respect. C'est formidable parce que vous allez me permettre de développer la loi. La commission en question, que nous avons appelée Commission Nationale de la Communication et des Libertés, eh bien, aura la possibilité de retirer l'attribution si jamais le cahier des charges n'est pas respecté. Est-ce que vous ne préférez pas 150 heures, par hypothèse, 150 heures de bonne fiction à 300 heures de mauvaise fiction en matière de création? Écoutez, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement tous les dessins animés ou la quasi-totalité des dessins animés qui sont proposés à nos enfants sont des dessins animés d'origine japonaise. Le vrai problème, c'est de savoir si la France est en mesure de gagner la guerre des images. Moi, je veux la gagner, cette guerre. Moi, je ne regarde pas le passé, je regarde demain. Eh bien, demain, si vous ne voulez pas avoir tous les soirs des programmes américains, des programmes japonais, bientôt des programmes sud-coréens, eh bien, il faudra qu'on arrive à avoir une production française. En un mot, pour gagner, il faut jouer la surenchère. Et des initiatives contre la privatisation voient le jour. Des journaux entrent dans la bataille, comme Télérama et l'événement du jeudi. Ils rédigent une pétition et déposent à Matignon plus de 200 000 lettres contre cette mesure. Le 7 juin 1986, le Paris éducatif et culturel se retrouve place de la République pour une journée de concerts et d'interventions. On aperçoit Bernard Giraudot, Claude Sirillon, Noël Mamère, Michel Rocard ou Manu Dibango. Pour la première fois, des téléspectateurs prennent la rue. À la tribune ou dans la foule, c'est la même inquiétude. Je me sens malheureux depuis quelques mois. Comme tous les acteurs qui travaillent avec des auteurs, avec des réalisateurs, avec d'autres acteurs, on a peur. Nous savons ce que nous avons. Un service public qui a ses défauts, mais nous ne savons pas ce qui nous attend. Je pense que ça sera moins culturel, beaucoup plus de publicité peut-être. puis en même temps, moins de recherche. Est-ce qu'une manifestation comme celle-là va suffire à changer des décisions politiques? Certainement pas. Certainement pas, ça servira à rien. De fait, le 30 septembre 1986, la loi dite Léotard est adoptée. La haute autorité de la communication et de l'audiovisuel est dissoute et remplacée par cette commission nationale de la communication et des libertés. Et comme pour inaugurer ses droits, cette commission procède à l'éviction des PDG d'Antenne 2, de FR3 et de Radio France. Des proches du RPR les remplaceront, comme ça c'est clair. D'ailleurs, les sages de la CNCL ne sont pas élus. Ils sont nommés, notamment par le président de la République et par les présidents des deux chambres législatives. Autant dire qu'on ne nomme pas d'opposants au gouvernement. Le cordon ombilical entre la télé et le pouvoir est encore solide. D'où les chasses aux sorcières qui sont lancées dans le sillage d'une alternance politique. Et dans l'épisode 1986 de ce spoil système à la française, seul Hervé Bourges, patron de TF1, sauve sa tête en attendant l'arrivée des nouveaux propriétaires. Bon joueur, il met à disposition toutes les pièces du dossier et promet de recevoir l'ensemble des candidats au rachat. Après le vote de la loi, une poignée de prétendants hésitent, puis se désistent. Au début de l'année 87, deux impétrants se déclarent officiellement Hachette et Bouygues, du béton et de l'édition. Hachette avec à sa tête Jean-Luc Lagardère par favori. En 1986, il rachète la station de radio Europe 1. Acteur reconnu du livre et du secteur de la communication, Lagardère charge son numéro 2, Yves Sabouret, de constituer la meilleure équipe. Très vite, les noms d'Étienne Moujotte, journaliste et directeur de Télé 7 jours, et de Jean-Louis Guillard, ancien président de TF1, filtrent dans la presse. À trois mains, il se charge de rassembler le plus de partenaires possibles, le plus pertinent et la meilleure grille, liant culture et croissance de l'entreprise. La candidature de Francis Bouygues, elle, est plus surprenante, presque ubuesque. Dirigeant et fondateur de la première société de BTP au monde, il souhaite diversifier sa société, mais n'a jamais mis les pieds dans le secteur de l'audiovisuel ou de la communication. Pourtant, rien n'effraie ce chef d'entreprise. Après tout, un appel d'offres reste un appel d'offres. Il suffit de s'entourer de bonnes personnes. Pour cela, il charge Patrick Lelay, ingénieur en travaux publics. C'est lui qui est l'architecte du dossier. De dîner en dîner, il rencontre, auditionne et embauche les professionnels de l'audiovisuel. Avec son président et ses collaborateurs, il rencontre un par un les membres de la CNCL. Rien n'est laissé au hasard, un dossier béton. La loi de septembre 1986 prévoit que seulement 50% du capital de la chaîne nationale sera cédé à un groupe d'acquéreurs dont aucun ne pourra détenir plus de 25% des parts. Tout l'enjeu est donc de trouver des alliés assez ambitieux pour risquer leur argent, mais pas trop, pour qu'ils acceptent le rôle de second. Une question reste en suspens et non des moindres, celle du prix. Le 5 février, chaque camp est posté devant son écran de télévision. Dans un salon du ministère des Finances, Édouard Balladur, accompagné du ministre de la Culture, François Léotard, annonce le prix d'achat de la chaîne. Pour être candidat, il faudra rassembler la somme de... Alors, combien coûte TF1? Quelle est cette somme? 3 milliards de francs. Chaque candidat a jusqu'au 23 février, date limite du dépôt des dossiers, pour rassembler un consortium d'acquéreurs et la somme demandée. 23 février 1987, rue Jacob. Dernier jour pour déposer son dossier. À minuit, il sera trop tard. Alors, toute la journée, des journalistes sont sur place, scrutant l'arrivée de l'un ou de l'autre prétendant. Peu avant l'ouverture des 20 heures, Francis Bouygues, accompagné de ses collaborateurs, dépose un dossier de 300 pages, joliment empaqueté dans d'élégantes caisses bleues. Devant la presse, il annonce les noms de ses partenaires, dont le principal n'est autre que Robert Maxwell, un géant de la presse anglo-saxonne. Avec lui, le patron du béton français se paye une légitimité et une ambition internationale. Attendez. Nous ne créons pas une télévision nouvelle. Nous sommes repreneurs d'une très grande télévision qui existe. D'après vous, quelles sont vos chances ? Vous savez, quand on combat, c'est toujours pour gagner. Et toute ma vie, j'ai combattu. Quelquefois, je n'ai pas réussi, mais souvent, j'ai réussi et j'ai réalisé des grandes choses. Et Lagardère ? Les minutes passent, puis les heures, mais aucun signe du camp d'Hachette. Officiellement, on parle d'un problème d'impression des dossiers. Officieusement, le problème est bien plus grave. L'annonce du prix de la chaîne a fait fuir le groupe Havas, son principal partenaire. Jusqu'au dernier jour, Jean-Luc Lagardère et son équipe doivent batailler pour réunir un tour de table capable de signer le chèque. La situation est si alarmante que Matignon, ne pouvant pas laisser concourir un seul candidat, doit jouer lui aussi les entremetteurs. Et sous la pression du gouvernement, la banque BNP devient le dernier partenaire du camp Hachette. Peu avant minuit, la directrice de la communication d'Hachette dépose les dossiers du groupe. Pourtant, le mal est fait. La mésaventure de Lagardère et la présence de la BNP s'ébruitent. Pendant que l'un bétonne, l'autre détonne. En effet, c'est cette banque, la BNP, qui doit se charger de l'audit commandé par le gouvernement pour l'évaluation de TF1. Oh, le conflit d'intérêts. Pour le camp Bouygues, l'erreur est trop belle. Dès le 4 mars, dans une lettre rendue publique, Francis Bouygues demande des explications sur la conformité du dossier d'Hachette. Alors, pour éviter la crise, la CNCL valide les deux dossiers, mais demande à Hachette de trouver un remplaçant à la BNP. Cela n'empêche pas Francis Bouygues de déposer un recours gracieux devant la CNCL pour demander la disqualification du groupe. Peu à peu, l'outsider marque son territoire. Le favori Hachette, lui, perd de sa splendeur. Donc, tout se jouera lors du grand oral. Vendredi 3 avril 1987, rue Jacob, toujours. Dans un hall un peu exigu, deux tables se font face. Ici se déroule la dernière bataille pour TF1. Toute la journée, les deux camps vont présenter leurs dossiers et leurs partenaires. Face à eux, les 13 sages de la commission, dont leur président Gabriel de Breuil. À 10h, c'est lui, bien sûr, qui ouvre les auditions par ces quelques mots. Mesdames, Messieurs, nous procédons à l'audition des candidats à l'acquisition de 50% du capital de TF1. Cette audition se déroule au siège de la CNCL, en présence de représentants de la presse, et est retransmise en direct par TF1. Hachette est le premier à passer. Sa prestation se résume en deux mots, compétence et ambition. Compétence d'abord avec la Dream Team d'Hachette, composée des fleurons de la presse et des médias de l'époque. Sur les bancs, on reconnaît Étienne Moujotte, directeur de Télé 7 jours, ancien du JDD, de RTL, de France Inter, d'Europe 1 et de RTF. André Fontaine, à la tête du journal Le Monde. Bernard Porte, PDG de la 7 Presse, ou encore Christine O'Krent, ancienne dame du 20h d'Antenne 2. Ambition enfin, comme les défis annoncés pour la fiction et l'information. Le groupe s'engage à produire au bout de 10 ans 600 heures de programme par an de création, soit 4 fois plus que la production de 1986. De plus, il annonce l'augmentation du volume des programmes d'information. Nouveaux rendez-vous, nouveaux magazines, nouveaux journaux. Tout est dit, la présentation est propre, limite universitaire, sans éclat ni tracas. À 15h, Francis Bouygues se présente à son tour. Le style est, disons, différent. Face à l'assurance d'un Lagardère, Francis Bouygues joue la carte de la décontraction. Et on s'aperçoit qu'il manie l'art de la communication comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il faut dire que depuis 4 jours, son équipe répète minutieusement l'exercice. Réunis au siège du groupe Bouygues, à Clamart, les principaux intervenants apprennent leur texte. Et dans le rôle du metteur en scène, on retrouve un certain Bernard Tapie, qui fait partie également des partenaires financiers. Écoutons-le interpeller Antoine de Clermont-Tonnerre, PDG des Éditions Nationales, dans une bande-son du Media Training extrait du documentaire Fin de concession de Pierre Carle. Vous allez faire chier tout le monde. Alors que là, j'ai dit ce que je voulais dire. La politique de la production pour nous, c'est relever la production française qui est en faillite. Alors on achète les feuilletons à l'étranger et on gave nos enfants de séries débiles. Alors nous, on veut donner à ces auteurs français, à ces écrivains français, à ces producteurs, la possibilité de nous montrer ce qu'ils savent faire. On va doubler les budgets qui ont été jusqu'à présent prévus pour ça. Et vous allez voir que les Français se passionneront bien plus pour les œuvres de talent françaises que pour les séries qu'on voit qui nous abrutissent sur la télé actuellement. Et le jour du grand oral, tout se passe comme prévu. Antoine de Clermont-Tonnerre a pris de l'assurance, Evelyne Prouveau un peu de présence. Tour à tour, Francis Bouygues présente ses partenaires, de Robert Maxwell à Jacques Duquesne, sans oublier son bras droit, architecte en chef du dossier, Patrick Lelay, à qui vient la charge de présenter le projet. Pour lui, la candidature de TF1, ce sont d'abord des principes. Le projet de reprise de TF1 que nous vous présentons aujourd'hui est bâti autour de quelques idées simples. Tout d'abord, respecter le téléspectateur, c'est-à-dire ne pas abîmer ce qu'il aime, protéger ses rendez-vous familiers, protéger les émotions qu'il doit à la Une et les services que la Une lui rend. Mais au-delà, qu'est-ce qui intéresse le téléspectateur? C'est naturellement qu'on lui propose plus d'images, plus de feuilletons, plus de magazines, plus de sports, plus de directs, plus d'informations. Dans notre projet, nous allons lui proposer plus d'images, beaucoup plus d'images. Et il poursuit par ces mots. En second lieu, nous avons cherché à donner une dynamique nouvelle à la création française. Faire absorber au public français des séries américaines, ce n'est pas une fatalité. La culture française est menacée, c'est vrai. Mais la culture française doit résister, parce que la culture, elle exprime le besoin et le plaisir de vivre ensemble, parce que la culture exprime une vraie communauté de mémoire, une vraie communauté de projets. Reprenant les constats du ministre Léotard, Patrick Lelay fait valser les chiffres et les promesses autour du mieux-disant culturel. Il promet qu'à partir de 1989, le groupe Bouygues investira 537 millions de francs en production de fiction et de documentaires de création, 250 millions en émissions de variété, 174 dans le sport, 130 pour la jeunesse et 500 heures d'œuvres originales françaises en première diffusion. Au fil des questions-réponses, la surenchère se poursuit, comme lors de cette intervention de Bernard Tapie qui se prend à rêver de soirées de musique classique. Juste une seconde. La grande musique, la musique classique, je crois qu'on doit en plus être événementiel. On doit pouvoir traiter l'année Ravel, ou on doit pouvoir traiter l'anniversaire d'Olivier Messiaen. On doit aussi pouvoir montrer, après avoir montré que la musique était la noblesse du son, quelle est la noblesse de l'image? Parce que voir un instrument ou la colophane sur un archet de violon, c'est impossible lorsqu'on est un spectateur, et c'est fabuleux lorsqu'on est un téléspectateur. Donc promouvoir le spectacle et le faire vivre d'une manière autrement, je crois que c'est essentiel. Tapie va plus loin, il parle de soirée pod-basque, mais aussi de son envie du retour de l'émission au théâtre ce soir. C'est que sur le banc des sages, il y a Pierre Savag, créateur de cette émission Fine Mouche. Tapie l'a bien noté. Peu après 17h, les auditions se terminent. Les dés sont jetés. Qui remportera la mise? Samedi 4 avril 1987. C'est officiel, Bouygues l'emporte par 8 voix contre 4. Il n'a fallu qu'une matinée aux sages pour délibérer. Hachette, le candidat favori soutenu par Matignon, vient de perdre par KO. Le jour même, Francis Bouygues visite les locaux de Cognac-G en présence d'Hervé Bourges et Yves Mourouzi, la star du 13h, salue à sa façon son nouveau patron se coiffant d'un casque de chantier. Vous remarquerez, en vous souhaitant la bienvenue sur le plateau de la Une, que je porte encore le casque de TF1, mais dès demain, c'est prévu, le casque de la privatisation. Onze jours après la victoire, c'est plongé dans les paillettes et les bulles de champagne qu'on enterre au Port Marly, la première chaîne publique. Ce soir-là, point d'oraison funèbre, juste des smokings et des stars venus fêter l'an zéro du TF1 privatisé. Le lendemain, Francis Bouygues transmet officiellement le chèque au ministre des Finances, Édouard Balladur. La première chaîne publique de la télévision française n'est plus. Le 6 mai, le nouveau président présente son organigramme. Numéro 2, Patrick Lelay. Puis viennent Étienne Moujotte, directeur général de l'antenne, Christine Ockrent, directrice générale adjointe, Michel Cotta, directrice de l'information, Yves Mourouzi, conseiller à la présidence. De nouvelles têtes d'affiche sont également nommées, comme Patrick Poivre d'Arvor qui prend la barre du 20h, tandis que restent des noms plus anciens rattachés à l'histoire du service public, comme Michel Polac qui à la rentrée sera le premier viré de l'ère Bouygues. Son émission Droit de réponse sur les travaux du pont de l'île de Ré, réalisé par l'entreprise Bouygues précisément, et un dessin caustique où l'on pouvait lire « Maison de maçon, un pont de maçon, une télévision de... » n'ont pas été du goût de la direction. L'actionnaire dirige, les salariés obtempèrent, la première télévision publique n'est plus. En 1992, les dernières équipes de Cognac G quittent le 15 de cette rue. Désormais, la chaîne a sa tour, ses idées, son ambition. TF1 est entré dans l'ère des actionnaires, de la publicité, des courbes d'audience. C'est un produit marchand. 30 ans plus tard, TF1 est-elle devenue la télévision du mieux-disant culturel, de la musique classique en prime time, des programmes de jeunesse liant éveil et apprentissage, de la limitation des fictions américaines et anglo-saxonnes? Il suffit de regarder la chaîne pour obtenir la réponse. À vous Cognac G, à vous les studios, à nous les dividendes. Voilà. Un peu de pub? Non, de la musique, avec les Buggles. Video killed the radio star, sauf nous. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la privatisation de TF1. Notre invité, c'est Laurent Mauduit. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste, vous êtes l'un des fondateurs de Mediapart et auteur du livre que je tiens entre les mains qui est intitulé « Main basse ». sur l'information et je lis, parce que ça donne le ton, d'ailleurs ça fait pour ça une quatrième de couve, quelques lignes, une dizaine d'oligarques parisiens dont le signe distinctif est de ne pas avoir la presse pour métier possèdent désormais la majorité des moyens d'information français. Ça pose évidemment un problème. Alors, on a écouté cette histoire de la privatisation de TF1. Est-ce que c'est pour vous, est-ce que ça a été pour vous la matrice de ce que nous connaissons aujourd'hui avec la presse française, puisque TF1 étant une télé, c'est aussi un organe d'information. Oui, c'est une histoire fondatrice, parce que vous savez, c'est comme pour toutes les autres privatisations à l'époque, quand on la vit, la puissance publique, les politiques disent ça va juste modifier les périmètres du secteur public et privé, c'est tout. Or, au plan général, ça a été une onde de choc formidable. L'arrivée des fonds de pension en France, donc ça a modifié la nature du capitalisme français. On a basculé d'un capitalisme d'Irénan vers un capitalisme à l'anglo-saxonne. Or, pour la télévision, c'est la même chose. Vous avez, j'ai bien entendu les rappels que vous avez faits. C'est formidable quand on se replonge dans l'époque. Non, ce sera le mieux-disant culturel. Or, on sait bien... Quel marché de dupes ! Que, en fait... C'est un séisme pour bien tout sûr. Le paysage audiovisuel, avec les résultats que l'on sait. C'est que si, encore aujourd'hui, longtemps après, la notion de service public a un sens dans la radio, je veux dire, la radio publique... Merci de le rappeler, parce que c'est vrai. ...n'a pas grand-chose à voir, même n'a rien à voir du tout avec la radio privée, même si parfois il peut y avoir des phénomènes de porosité, mais c'était pas du tout la même chose. En revanche... Le séisme TF1 a été tellement violent qu'il aboutit à ces résultats que je vous défie de m'expliquer quelles sont les logiques de service public dans l'audiovisuel public ou dans la télévision publique. Non, il y a un effet de mimétisme qui fait que... C'est quoi, c'est le syndrome TF2, par exemple ? Oui, exactement. Donc il y a des poches de résistance. Regardez le journal de 19h45 de Arte, d'une grande qualité, ouvert au monde. 2 minutes. Mais vous regardez le journal de TF1, le journal de France 2, les différences sont quand même assez peu sensibles. Et même parfois, c'est l'aspect consternant pour les citoyens, parfois même le journal de TF1 est mieux fait, si je peux m'autoriser ce constat accablant. Vous êtes, vous avez votre parole libre ici, donc vous pouvez vous autoriser toute expression de parole libre, par définition, en tout cas ici. Alors, je voudrais revenir sur cette phrase de Patrick Lelay, vous avez le cerveau disponible. Alors, il a dit très précisément, soyons réalistes, à la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca, c'est du temps de cerveau humain disponible. Cette phrase a été très commentée, évidemment, il y a de quoi. La question qui vient et que je vous pose, selon vous, est-ce la même chose aujourd'hui avec Bolloré, Drahi, Niel, Berger, Pigas et consorts ? Oui, bien sûr, c'est la même chose, parce que derrière la vulgarité de la formule de Lelay, en fait, il y a une sorte de préfiguration d'un modèle de presse asservi et abattardi, où la logique n'est pas une logique... d'information, c'est on ne satisfait pas le droit de savoir des citoyens, c'est-à-dire ce qui correspond à des fondements de la démocratie. On est dans des logiques d'audience, pas de pertinence, d'audience. Donc de rentabilité. De rentabilité, mais si vous observez bien les systèmes les plus modernes, récents, par exemple des grands portails d'information, Google, Yahoo, c'est des logiques plateformes d'audience de masse, optiquement gratuites. Mais en fait, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous la marchandise, en fait, adossée à la publicité. Et donc, si vous observez bien le système, par exemple, d'aujourd'hui, de Bolloré, on sent bien que la logique pervertie, c'est-à-dire que la logique n'est pas une logique d'information du citoyen, c'est de vendre de la pub. Et regardez bien l'extrême danger de Bolloré, on pourra peut-être le détailler conséquences. Absolument. Mais regardez bien l'oligopole que constitue Bolloré, c'est la télévision. Donc, il prend possession de Vivendi, donc de ces deux filiales que sont Canal+ et e-télévision. Mais en même temps, dans le cas d'un oligopole, il y a aussi Havas, Ouais. Et donc, l'un des conflits à télévision, c'est la porosité de ce système, de cet oligopole, qui fait que les journalistes sont soumis à la contrainte publicitaire et que la fameuse frontière, la muraille de Chine entre les contenus publicitaires et les contenus éditoriaux est en train de s'effondrer à la demande de l'actionnaire. Et donc, c'est la mise en cause de principes déontologiques majeurs, vous les connaissez, ceux de notre profession, l'article 9 de la Charte de Munich. 71, la Charte de Munich, c'est la grande charte des journalistes auxquelles tous les syndicats de journalistes dans le monde ont adhéré. Aucune mélange des genres, pardon, entre publicité et information. Donc c'est la gravité de l'évolution que l'on vit aujourd'hui. Donc, démarche de rentabilité économique que de posséder des médias ou des journaux, est-ce que c'est aussi une démarche de pouvoir ? Alors qui nous renvoie à un temps jadis où certains industriels possédaient, vous pouvez posséder un journal, comme ça, la danseuse, c'était pour du pouvoir. Hein. Ouais, est-ce que c'est aussi une logique de pouvoir là ? C'est d'abord, souvenez-vous, moi, j'insiste beaucoup sur un fait quand je parle de la presse, c'est qu'il y a eu une époque, qui était l'époque de la libération, où on appliquait, où la volonté des patrons de presse était d'appliquer le principe du Conseil national de la résistance, à rétablir la liberté de la presse, bien sûr, son honneur et son indépendance vis-à-vis des puissances financières. C'était ça la presse de la libération. Et donc, plein de journaux, dans des configurations multiples, ont appliqué ce principe. Le Monde imagine en 1952 un principe journal pour éviter ses journalistes. D'autres journaux, comme le Parisien Libéré, fondent une coopérative ouvrière. Et donc, c'est avec cette histoire-là qu'on a progressivement rompu. Et pourquoi ? Donc là, je réponds, j'en viens à la réponse à votre question. Pourquoi est-ce qu'on a rompu ? Comment vous dire ? Pourquoi est-ce qu'un Patrick Drahi, patron de SFR et patron de Libé, de l'Express et bientôt de RMC, pourquoi est-ce que Xavier Niel, patron de Frime et aussi du Monde et l'Obs, a envie d'avoir ces journaux en plus de leur business, oui. Vulgairement dit, parce que c'est un accélérateur de business, ça les protège, certains d'entre eux l'expliquent, comme nos business sont sans arrêt en confrontation avec la puissance publique, ou avec le régulateur, on a besoin d'eux. Avant, pour voir le chef de l'État, c'était très long, très compliqué, là, on décroche le téléphone, on le voit le jour même. Et il y a plein de démonstrations du fait que la puissance publique vit en consanguinité permanente avec ses grands patrons. Et d'ailleurs, Bolloré aurait tenté de ravir TF1 Bouygues, c'est ça ? C'était pendant l'hiver 97-98, déjà ? Oui, c'est... Bolloré, donc, c'est une forme de capitalisme assez particulier. Hein, il construit son groupe autour de la banque Rivaux. Vous vous souvenez, la banque Rivaux ? C'est une banque très controversée. C'était la banque du RPR et de la France-Afrique dans les années 80. Donc, une banque très sulfureuse. Il la prend d'assaut. Et il a tout de suite ensuite une envie de puissance. Et donc, il fait, avec son conseiller de l'époque, qui s'appelle Alain Minc, qui deviendra ensuite conseiller de Nicolas Sarkozy, et il fait un raid, une OPA, sur le groupe Bouygues. Et en fait, son arrière-pensée, c'est pas le groupe Bouygues, il s'en moque un peu, c'est la pépite au milieu du groupe Bouygues, c'est TF1. Et en fait, il ratera l'OPA, il sera collé à 11 ou 12% du capital, il revendra sa participation, mais il a cette obsession, un jour, avoir une télévision. Et donc, Canal et iTélé, longtemps plus tard, c'est pour lui une forme de revanche. Alors, avant d'aborder le mouvement de grève en cours à iTélé, parce qu'il est très important, parce qu'il nous dit beaucoup de choses, c'est le plus long sur une chaîne privée, je le rappelle. On va écouter Pierre Lescure, le jour du lancement de la chaîne iTélé, c'était le 4 novembre 1999. Je ne crois pas que nous soyons dans la même configuration que ceux qui ont acheté TF1 et qui ont dit, vous allez voir, ça sera le mieux disant culturel. On connaît Pierre Lescure, il aime profondément ce métier, il aime les médias, il aime l'information, et ce qu'il dit à ce moment-là n'est pas du même acabit que ce qui était dit, je tiens à le préciser quand même, lors de l'achat de TF1. 5, 4, 3, 2, 1. C'est beau, non ? C'est beau, c'est fort, ce décompte à visage humain. Je crois que c'était beau comme une naissance d'avoir tous ces visages, ceux de l'élan, ceux du désir, ceux de l'aventure et puis ceux de l'expérience, de la maturité et des talents réunis. C'est tout cela, e-télévision. L'information, c'est noble, l'information, c'est un service, l'information, c'est un devoir. L'information, c'est un des éléments dynamiques clés de la vie démocratique. Il ne faut donc même pas se poser la question de savoir s'il est important d'avoir plusieurs chaînes. Notre réponse, c'est e-télévision. Déjà, Laurent Mauduit, votre regard sur cette déclaration. Par contraste avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'on mesure les évolutions. L'Escure, c'est un peu le saltimbanque, mais le saltimbanque qui vit dans une chaîne créée par ce qu'a été le cœur du capitalisme français, la Générale des Eaux, transformée en Vivendi. Il y a une sorte d'alliance entre ce capitalisme, et le saltimbanque et l'information. Et aussi une certaine forme de liberté. Il y a eu l'impertinence de Canal au début. Or, aujourd'hui, il n'y a plus cette espèce de répartition des rôles entre d'un côté un capitalisme qui finance et de l'autre côté l'information. La concentration a été tellement loin, ce qu'on a vécu depuis 4 ans ou 5 ans, qui a, avec les opérations Drahi, Niel, Bolloré, Arnaud, qui après avoir acheté les Échos, rachète le Parisien, que ça conduit à des formes de désinhibition, de violence. Observez qu'un patron comme Taverneau de M6 dit maintenant, sans la moindre gêne, je crois que c'était il y a un an et demi, micro de France Inter, je dis bien mes journalistes de Capital qu'il ne faut pas qu'ils parlent des clients. Et puis, il y a la violence désinhibée de Bolloré. Désinhibée, parce que tout de même, ce qu'on vit à iTélé, c'est une presse asservie, c'est une violence qui est indigne d'une démocratie, de vouloir, d'une part, imposer à une rédaction qui n'en veut pas un animateur mis en examen pour corruption aggravée de mineurs. C'est un manquement aux règles d'exemplarité publique qui c'est quand même invraisemblable. Et puis surtout, la profession est régie par des règles éthiques et l'employeur refuse le respect, c'est-à-dire la différenciation entre information et publicité. D'où l'exemplarité de ce conflit. On a des journalistes qui disent, ok, la maison qui nous embauche, c'est aussi un organe de pouvoir pour celui qui nous embauche, mais on n'est pas des petits soldats. Et il y a une forme de radicalisation que je trouve assez chaleureuse, parce que quand on regarde ce qu'était iTélé il y a un an et demi, honnêtement, j'avais parfois le frisson dans le dos, quand j'entendais un Éric Zemmour condamné à deux reprises pour provocation à la haine raciale, avoir son rond de serviette dans cette chaîne. Et puis, cette rédaction rentre en conflit avec son actionnaire. C'est, comment dire, radicalisé démocratiquement. C'est une rédaction qui n'était pas rebelle spontanément. Elle n'avait pas la tradition de ce que était l'ORTF de 68. Il n'y avait pas les anciens pour leur dire, regardez, l'indépendance contre le pouvoir, quel qu'il soit, est un combat. Et non, mais du coup, ils portent des valeurs qui, du même coup, sont aussi les valeurs des combats d'autres rédactions, à l'Obs, au Monde, aux Parisiens aussi. Il y a une censure, puisque le film Merci Patron, dans les jours qui ont suivi le rachat par Bernard Arnault, une chronique de ce film a été censurée. Voilà, donc ça dit quelque chose beaucoup, pas seulement du combat de journalistes, aussi de l'attente des citoyens, parce que, soyons... Enfin, moi, c'est mon regard. Je pense qu'il y a un discrédit qui pèse sur notre profession. Il y a beaucoup de citoyens qui considèrent que les journalistes, souvent, font mal leur travail ou qu'ils ont un fil à la patte. Ouais. C'est pas vrai pour tous. Beaucoup font leur travail la tête haute, mais je pense que on a besoin, dans une période de crise démocratique, d'apporter la preuve aux citoyens qu'on fait honnêtement son métier. Je vais être un peu complaisant, mais apporter de l'eau à votre moulin. Enfin, pour une fois, c'est à partir de ce postulat que vous avez monté Mediapart, justement. C'est-à-dire qu'on touche l'honnêteté du journaliste et on ne la touche que par l'indépendance, la confiance faite au lecteur, qui finance le média. Oui, c'est parce ça. Que c'est pour la raison que j'indiquais tout à l'heure. On vit à la Libération une période politique où tout courant politique confondu, on considère que l'indépendance est absolument nécessaire, qu'il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés. Et pour que les citoyens soient éclairés, il faut une presse libre et indépendante. Donc, toute la presse est indépendante à l'époque. Et donc, du coup, je pense qu'on vit un séisme qui n'a d'équivalent dans aucun pays. La singularité des actionnaires qui possèdent la presse française, c'est que la presse n'est pas leur métier. Ils sont bétonneurs, marchands d'armes, avionneurs, fournisseurs d'accès à Internet. Et donc, du coup, je pense que l'un des enjeux, moi, c'était l'ambition de mon livre, c'était de pousser à l'agenda du débat public une question qui est au cœur de fonctionnement de toute démocratie. Il faut que la presse soit libre. Et donc, je pense qu'il y a eu un tel saccage qu'il faudrait qu'on rentre, j'espère, dans une période de refondation. Pour enfoncer le clou, on va écouter une deuxième et dernière archive autour d'une affaire liée à la question de l'indépendance des médias, qui fait les gros titres, le licenciement de l'ancienne directrice adjointe de la rédaction de l'Obs, Aude Lancelin, qui vient d'obtenir le prix Renaudot de l'essai pour son livre Le Monde Libre. On va l'écouter au sujet de Xavier Niel, justement, propriétaire du Nouvel Obs et copropriétaire du Monde et Télérama. C'était lundi au micro de Sonia De Villers, pour l'instant M sur France Inter. Pourquoi est-ce qu'un Xavier Niel, que vous surnommez l'ogre des télécoms, rachète de la presse? Vous vous dites, c'est simplement un épandage massif de capitaux pour diminuer son indépendance. Moi, c'est vrai que sur le cas Xavier Niel, je n'ai longtemps pas eu tellement d'avis. Je ne comprenais pas bien, effectivement, pourquoi il mettait autant d'argent, lui qui en a peu à perdre, hein, qui est très rationnel dans la gestion de ses affaires. Pourquoi il mettait autant d'argent sur le web, sur des petits titres? Pourquoi il rachetait massivement des titres comme Télérama, L'Obs, Le Monde? Tout ça n'était pas très clair à mes yeux. Et effectivement, désormais, ça l'est bien davantage. C'est vrai que ces actionnaires rachètent des titres pour la bonne marche de leurs affaires. Et effectivement, ce ne sont nullement des mécènes. En revanche, moi, c'est vrai que là, je plaide de la naïveté. J'ai vraiment pensé que tout n'était pas verrouillé. J'ai vraiment cru à leur discours. Et d'ailleurs, pendant un an, on a quasiment eu une liberté totale sur les unes. J'ai cru que ces gens-là venaient investir dans la presse. J'ai cru qu'ils venaient, qu'ils avaient un projet pour le journal. Or, moi, je vais vous faire le bilan aujourd'hui de 2 ans et demi de BNP, Berger Niel Pigas, à l'Obs. C'est-à-dire que pas un euro n'a été investi dans le journal. C'est le problème, effectivement. Donc, ce témoignage corrobore ce que vous avez dit, Laurent Mauduit. Cela dit, et je vais vous poser la question de cette façon, préférez-vous qu'un journal meure ou qu'il survive dans les bras du capital? Ah donc, pour vous répondre, vous renvoyez encore à cette époque chérie par moi, celle de la Libération. Vous savez qu'à l'époque, il y a un grand intellectuel qui est aussi un grand journaliste, Albert Camus, qui, dans son journal Combat, multiplie les éditoriaux contre l'asservissement par les puissances d'argent de la presse. Et il a un jour, dans l'un de ses éditos dans Combat, cette formule formidable, « Mieux vaut une presse pauvre et libre que riche et asservie ». Mais je peux compléter la formule, c'est que, heureusement, aujourd'hui, grâce à la révolution technologique, numérique, il est possible maintenant d'avoir des journaux aussi qui ont une relative aisance et qui sont totalement libres. Pardon de parler de ma petite maison, mais c'est la bonne nouvelle de Mediapart qui est financièrement équilibrée. C'est pas une bonne nouvelle pour nous, c'est une bonne nouvelle pour toute la presse. Faites bien votre métier, enquêtez, cherchez, révéler des faits aux citoyens, et les citoyens sont au rendez-vous. Et la très bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on vit dans la presse, dans toutes ces formes d'information, aussi bien radio, télé que presse écrite, on vit une crise, non pas de la demande, de l'offre. Les citoyens sont demandeurs d'une information de qualité. Laurent Mauduit, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Main basse sur l'information, aux éditions Don Quichotte. Et je rappelle que vous êtes effectivement cofondateur de Mediapart. Merci Laurent Mauduit. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la privatisation de TF1, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. L'attaché de production d'Affaires Sensibles, c'est bien Emmanuel Fournier. Je me suis sévèrement pris les pieds dans le tapis tout à l'heure. Ça vous montre que cette émission est bel et bien en direct.